Puis on est tourné. Ça m'est arrivé 22 fois. Ça. C'est arrivé après 2-3 ans après le contact, là, puis dernièrement. Ma femme a dit, bon Dieu, c'est sport. Puis on est. C'est comme ça que tu donnes la résistance. Une sorte de résistance derrière. Et le choc vibratoire, c'est de l'énergie. Quand ça descend, ça part des plans, là, ça descend en bas. Je te jure que tu l'aimes. Moi, je vous parle de toute votre psychisme, de tout ça, je vous explique, ça devient fatigant à faire des parts. Mais je sais pourquoi est-ce que je le fais. Parce qu'avec vos formes, cette énergie-là, pensez ça. Il ne vous manque pas de permission. Mais après, est-ce que tu as encore besoin de résistance? De développer des résistances? Les corps, le corps matériel, le cœur, c'est très faible. Pas fait en poids. J'ai un cœur, c'est dit. J'ai suivi une initiation qui a mis tout mon corps matériel à terre. J'ai plus de force. Moi, j'ai l'air bien fort parce que je parle, j'ai bien d'énergie, mais je n'ai pas de force, je me traîne. C'est des réseaux. C'est comme si ça fait comme un tracer. Là. L'énergie à descendre, ça fait un tracer. Et ensuite, l'énergie à descendre. Et vous la canalisez après ça à table. C'est comme si ça crée un autre canal. Ça crée un autre passage. Ça crée un autre passage. Là, le passage est créé. Et après ça, ben là, ils font passer l'énergie. C'est le plus des corps. Hein? C'est le plus des corps. C'est un des corps de la porte. C'est un autre. C'est comme un autre circuit. C'est comme s'il ouvre un autre circuit pour faire passer certaines énergies. Quand ils font ça, ça rouvre un circuit, puis ensuite l'énergie part de là. Mais quand ils rouvrent cette affaire-là, c'est pas un cadeau. Tu sais, quand tu dis que tu vas passer du 220 encore, c'est un petit peu de mal. Ça te permet de recevoir une autre énergie. Ça te permet de canaliser une autre énergie. C'est une autre raison d'être. C'est ça. Parce que, je vais te donner un exemple. Tout est énergie. Le savoir, c'est énergie. Tout est énergie. Et si, supposons par exemple que moi je veux faire une cassette, c'est telle chose. Supposons que moi je veux faire une cassette qui explique. Les forces du magnétisme de l'image. Qu'est-ce que c'est l'image? Qu'est-ce que c'est le magnétisme de la Terre? Qu'est-ce que c'est l'air? Bon, j'ai besoin d'une vibration. Ça me prend une vibration. Quand il ne me donne pas cette vibration-là, je ne peux pas le faire. Ou j'ai une vibration particulière parce que quand je parle de telle chose, il faut que mon esprit puisse recevoir l'énergie pour pouvoir le parler et développer. Parce que je pense pas. Ils sont obligés de me faire passer une énergie dans le corps. Faut que j'ai la résistance d'apprendre l'énergie. Là. Quand ils me donnent ces chocs-là, c'est la deuxième fois dernièrement, c'est pour faire passer d'autres vibrations. Mais moi, je subis le choc de ça. C'est physique, ça descend jusque dans la matière, ce choc-là. C'est pas un cadeau. C'est pas le beurre, mais c'est pas le Quand tu as l'impression d'être fourraide, là, c'est parce qu'il change les vibrations de ton corps mental intérieur. Autrement dit, tu commences à fonctionner dans le mental avec une vibration supérieure. Le fourraide, là, c'est le détachement temporaire de la forme. C'est comme les idées, là, les idées avant n'ont plus la puissance qu'elles avaient. Fait que t'es sur une autre longueur d'onde. Fait que là, t'as plus de points de référence. T'sais, avant, t'avais des formes, t'avais des points de référence et tout ça. Là, tu ne l'as plus. Mais c'est ça le soulève. Puis après ça, ça se passe. C'est très spécial. Quand t'es fourrette, t'es fourrette. Après ça, ça se passe. Là, tu t'aperçois que t'es fourrette. C'est normal, ça se passe. Et ensuite, tu en général, quand t'es fourrette une fois. Mm-hmm. Retour l'impression qu'on passera pas au travail, mais on passe au travail. Moi, je l'ai vécu de fourrette dans mon contact. Je t'ai fourrette dans mon monde. C'est comme une natte. Mais je t'avais un cadre. Ça fait intérieur, la connexion. C'est pas normal. Puis dans la langue, là, je suis finette. Mais sérieux. J'ai dit, je suis finette, mais j'ai dit, je reviendrai à Max. Je suis revenu. Fait qu'elle dit à moi, parce que là, je commençais, puis j'étais à l'université. Là, je commence à parler de la cinquième dimension, de la septième dimension. Et c'est une industrie. Je m'entends, t'as pas le temps. Mais... Elle dit, va donc voir un psychiatre. Non. Ouais, oui. Mais en dedans, je savais que j'étais fou. Mais je savais que j'étais fou. J'ai dit à elle, j'ai dit, va faire un test. J'ai dit, va vous le faire des chèques et si je gagne ça. Je suis allé voir le psychiatre. Et là, tout d'un coup, j'ai perdu mon frère. Là, je suis devenu bien normal. Bien supramental. Ils m'ont détourné un peu. Fait que le gars, il dit à moi, c'est pas toi qui est poussière. Parce qu'elle était fatiguée, moi. Mais mes corps étaient tellement sensibles, quand je t'ai rentré, il y avait une salle à l'arrière, il y avait des gens. Je regardais la salle, les couleurs dans la salle. La façon que toutes les terres de la place. Là, j'ai commencé à défiler, à tirer les couleurs de mon frère. Les lunes, les draps, les gens. Le gars, il est rentré là-bas. Il dit, après des études là-dedans, je là, j'ai dit, docteur, j'ai dit, on dit, c'est un échec. Il dit, dans votre cas, il dit, ah oui, je vais pas venir. Ça va me relaxer. Moi, quand je joue aux échecs, je joue aux échecs. Ça va vite. Le gars, il m'a sorti même après-midi. Mais ils m'ont fait aller là pour me prouver à moi-même que j'avais la résistance psychologique de déterminer mon sort comme étant pas fourrette, même si j'étais fourrette. Tu sais que t'es fourrette, mais tu sais que t'es pas fourrette. C'est comme le fond d'un oignon. Tu sais que t'es pas fourrette, mais tu sais que t'es fourrette. Mais la partie qui sait qu'elle est pas fourrette, elle est pas fourrette. Tu peux plus penser avec les autres. Quand tu rentres, là, de même, tu peux plus penser. Non, mais j'imagine, vous savez, laisser penser que tu vas dans la vie. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est seulement, ils ne gardent pas là-dedans, tout le temps. Non, c'est pas ça. Parce que tu es habitué à penser, mais tu penses. C'est le voyage qui est plus avec, je commence à voir du monde. Je voyais du monde tout à fait. Il n'y a personne dans la salle. Je voyais du monde tout à fait. Sur le plan mental, ça va se passer au niveau de l'oreille, du niveau petit. Mais avec la question. Je vais que les arabes vous dire avec ces gens-là, c'est tout compliqué. Wow, wow, wow. La manière de lui reconnaître, vous dites qu'on reconnaîtra ces êtres-là. Vous les reconnaîtrez, ces gens-là, par la lumière qu'ils auront dans le front. Ça va être des gens avec le système pour le moment. Donc, les gens, que vous les connaîtrez, ces gens-là, mais ces gens-là travailleront avec vous. Vous les reconnaîtrez par le bien et qu'on a le temps. Je suis encore ici. C'est en connaissant. Ah, oui, oui. Oui. J'avais bien aimé être un maître. Et lui, l'humanité. Parce qu'un maître, c'est plaisant. Un maître, quand tu fais un travail de maître, c'est plaisant parce que tu nourris le corps de tes vies qui est de là. Tu nourris. C'est pas un travail de destruction, c'est pas plaisant. C'est tout après des trucs. Tu nourris le moins possible. Quand tu nourris en faisant des nouvelles formes, tu as le moins possible, tu perds un petit peu de connaissance. Ouh, du bruit. Ça, que vous avez les valdonnards, il faut que vous vous vibratoire. Quand vous êtes arrivé au niveau vibratoire, là, à ce moment-là, vous n'avez plus besoin d'être nourri. Mais là, vous avez une grande capacité d'entendre, d'écouter, d'absorber. Grande. Là, vous grandissez. Alors, ça change vos vibrations. Et puis, il y a bien des choses dans ce que je dis. Après, ça clique. C'est quand même étonnant que tu dis que le monde est pris, c'est une chose, parce que tout est bien, mais des choses, la fait partie des ouais. Mais je dis en quoi le mot, parce que c'est ça, c'est détruire des parts pour en créer des nouvelles. Parce que vous avez aussi des formes, c'est là que vous dites que vous avez des formes. Il faut être en dehors de la forme pour pouvoir l'appliquer. Ce que font les forces, ce que tu appelles les forces de ténèbres, c'est qu'elles se servent de la forme pour emprisonner l'homme dans la forme. À tous les niveaux. C'est quand il y a besoin. Donc souvent, quand j'entends, quand je communique avec des gens qui ont des contacts, ils ont des plans négatifs. Même pas. Je comprends, même pas. Des fois, son rêve. Ils ne peuvent pas me dépenser. Mais... Parce que je détruis les femmes dont eux se servent pour maintenir l'homme sous leur domination. Il y a un pas qui disait, il m'a dit, c'est le connard qui répond. Qu'est-ce qu'ils se prennent? Parce que lui, il est dans l'esprit d'attitude. Ensuite, j'ai demandé, j'ai dit, mange donc s'il peut me mentir. Il dit, mange la main! Alors là, j'ai dit, mange donc si je suis bon ou je suis mauvais. Et il répond. J'ai dit, mendi encore s'il peut me mentir. Là, il a dit. Non. Là, il a dit. Et j'ai dit, mendi pourquoi? C'est là qu'il dit, la lumière. Il a répondu qu'il n'y a pas de bilan de lumière. On avait un moment donné qu'il était perdu.